Razel, tu m'impressionnes. Tu as réussi à tenir une journée entière assis sur une chaise devant ton ordinateur. Tu es fort, Razel. Razel, tu mérites une... comment dire... une coupe. If you don't understand, you take internet connection and you take Google Translate. It's easy, man. You take Google Translate and you copy past Google Translate. It's it's very easy. I don't want to translate my language because I am French, okay?